Marine. L'océan sonore palpite sous l'œil de la lune en deuil et palpite encore, tandis qu'un éclair brutal et sinistre fend le ciel de bistre d'un long zigzag clair et que chaque lame en bond convulsif le long des récifs va, vient, lui et clame et qu'au firmament où l'ouragan erre rugit le tonnerre formidablement.